Section 8, chapitre 14 et chapitre 15. Chapitre 14, l'enlèvement des Sabines. Il était temps de partir. 8h30 venaient de sonner. Simon et Jean eurent soin de traverser le café pour se faire voir avec leurs beaux habits neufs. Quand ils parurent, la dame du comptoir fit une exclamation de surprise et les garçons de café entourèrent les deux frères. Premier garçon. « Eh bien, excusez un peu, on ne se gêne pas, habillés comme des princes. » Deuxième garçon. « Et rien n'y manque, ma foi, de la tête aux pieds, tout est neuf, tout est du premier grand genre. » Troisième garçon. « Et regarde donc la coupe des habits, des pantalons, des gilets. On dirait d'Alfred, le tailleur de l'empereur. » Quatrième garçon. « Et le linge, vois donc la finesse de la toile, une vraie chemise de tête couronnée. » Jean tira son mouchoir d'un air triomphant. Premier garçon. « Et le mouchoir, la plus fine toile ?» Deuxième garçon. « Vous n'êtes pas gênés, mes amis, de vous faire habiller par de pareils fournisseurs. » Troisième garçon. « Et combien ça vous coûte tout ça? Une année de gage, pour le moins. » Simon. « Bien moins que ça? Rien du tout. » Premier garçon. « Comment rien? Pas possible. Tu plaisantes. » Jean. « Non, c'est vrai. C'est un excellent monsieur peintre qui nous a tout donné. » Quatrième garçon. « Farceur, va. Les peintres sont des artistes, et les artistes ne sont pas des Rothschild. » Simon. « Ils sont mieux que ça, ils sont les amis de ceux qui souffrent. » Premier garçon. « Ce n'est pas ça qui donne de l'argent, camarade. Il faut en avoir de reste pour des vêtements comme les vôtres. » Jean. « Notre monsieur peintre est riche, nous a dit le tailleur. » Premier garçon. « Alors c'est un Vernet, un Delaroche, un Flandrin ?» Jean. « Je n'en sais rien. On n'a pas voulu nous dire son nom. Mais ce que nous savons, c'est qu'il est pour nous un bienfaiteur, un ami, un ange du bon Dieu. » Premier garçon. « C'est bien ça, Jean. C'est bon d'être reconnaissant. Il y a tant d'ingrats de par le monde. » Jean. « Ce n'est pas Simon et moi qui le serons jamais. Tant que nous vivrons, nous prierons pour ce monsieur peintre, et nous l'aimerons. » Simon. « Avec tout ça, il faut partir, Jean. Puisque monsieur Métis a eu la bonté de nous donner congé, ce serait bête de ne pas en profiter. À revoir, camarade. À demain. » Tous les garçons, riant et saluant profondément. « À revoir, monseigneur, que vos altesses daignent s'amuser, daignent danser, daignent manger, etc. » Simon. « Soyez tranquille, camarade. Nous serons bons princes, et nous ne serons les derniers pour rien. » Simon et Jean sortirent pleins de joie. Jean, d'après l'effet produit au café, juge de celui que nous produirons chez M. Amédée. « Mademoiselle Aimée va-t-elle te regarder ? Va-t-elle t'admirer ?» Simon. « Si elle me regarde, je la regarderai bien aussi. Elle n'est pas désagréable, tant s'en faut. » Ils arrivèrent, ils firent leur entrée avec tout le succès désiré. Il y avait déjà beaucoup de monde. Le petit commerce était arrivé, les épiciers, les merciers, les bottiers, etc. On attendait le haut commerce et le faubourg Saint-Germain, toujours en retard. Chacun se retourna pour voir les deux frères qu'un chuchotement général du côté des demoiselles signala à l'attention des messieurs. Simon et Jean saluèrent M. et Mme Amédée, puis ils s'avancèrent vers le groupe des demoiselles qui regardaient, qui souriaient, qui minaudaient, témoignant ainsi leur admiration pour leur futur danseur et l'espoir d'une invitation. Simon salua et resalua particulièrement Mademoiselle Aimée, qui fit révérence sur révérence, qui se détacha du groupe et s'avança vers Simon et Jean. « Vous arrivez bien à propos, monsieur Simon. On va commencer à danser. Les messieurs vont faire leurs invitations. » Simon. « Alors, mademoiselle, voulez-vous danser avec moi la première contredanse ?» Mademoiselle Aimée. « Très volontiers, monsieur. Et monsieur Jean va danser avec ma sœur, Yvonne. » Jean. « Très volontiers, mademoiselle. » Il courut à Yvonne, qui accepta avec plaisir un danseur si bien habillé. Toutes les demoiselles envièrent le bonheur des deux sœurs. « Aimée et Yvonne ont toujours de la chance, » dit une grosse laide fille rousse, qui dansait peu en général et qui avait une robe en crêpe rose fanée, sur un jupon en percale blanche plus court que la robe. « C'est qu'elles sont les filles de la maison, » dit mademoiselle Clorinde. Robe de mousseline blanche, corsage en pointe, bouquet piqué au bas de la pointe qui la gênait pour s'asseoir. C'est par politesse qu'on les invite. C'est plutôt parce qu'elles sont bonnes et aimables, dit une troisième petite blonde de 10 ans. Les salons se remplissaient. toutes les industries y étaient représentées. Fumistes, bouchers, serruriers, épiciers, fleurs artificielles, papetiers, modistes, lingères, cordonniers, etc. Les toilettes étaient les unes simples et jolies, les autres recherchées, fanées, prétentieuses. Des turbans, des bouquets de plumes, de fleurs, des étoffes fanées, riches, des couleurs éclatantes, tranchaient sur des visages jeunes, frais ou vieux, ridés et plus fanés que leurs robes et leurs coiffures. La musique se faisait entendre. Les danses commencèrent. Dans les intervalles des contredanses, on courait au rafraîchissement. Jean et les plus jeunes danseurs virent avec une vive satisfaction l'abondance des gâteaux, des sirops, des fruits glacés. Jean avait bien dit, c'était, croyait-il, genre au commerce, grand genre. La musique se composait d'un violon, d'une clarinette et d'un piano. M. Abel arriva à 10 heures comme il l'avait annoncé. Simon le présenta à monsieur et à madame Amédée et aux jeunes personnes. Patronné par un aussi élégant danseur, M. Abel eut le plus grand succès. Ses habits étaient aussi beaux que ceux de Simon, faits sur le même modèle. Il semblait qu'ils fussent de la même fabrique. Simon recommanda M. Abel aux soins tout particuliers de Mademoiselle Aimée et de Mademoiselle Yvonne. Abel dansa avec l'une et avec l'autre, puis encore avec Mademoiselle Aimée, à laquelle il fit un éloge éloquent et touchant de son ami Simon. Mademoiselle Aimée trouva que M. Abel était un homme charmant. Et puis, si bien habillé, tout semblable à Simon, ce qui indique, dit-elle à ses amis, que ce sont des hommes d'ordre et de bon goût. M. Abel causa beaucoup avec M. et Mme Amédée, qui l'écoutaient avec un intérêt visible. Le bal languissait, on mangeait plus qu'on ne dansait. M. Abel communiqua cette observation aux danseurs et leur proposa d'animer la soirée. Mais comment ? Personne ne trouvait le moyen. « Je l'ai, moi, messieurs, » dit M. Abel, « mais il faut de l'ensemble pour que ce soit vraiment amusant. » « Qu'est-ce donc ? » dirent les danseurs. « Monsieur Abel, d'abord, il faut nous réunir tous, danseurs. Personne autre ne doit être dans le secret. »« et nous ?» s'écrièrent les demoiselles. Monsieur Abel riant. « Vous, moins que les autres, mesdemoiselles. C'est un divertissement d'hommes. » Monsieur Abel passa dans la salle à côté, suivi de plusieurs jeunes gens. Monsieur Abel, vous promettez, messieurs, de garder le silence jusqu'après l'exécution de mon divertissement. Nous le promettons, nous le jurons, répondirent les jeunes gens en étendant leurs mains. Monsieur Abel, c'est bon, nous allons exécuter l'enlèvement des Sabines, figure très à la mode et du plus grand genre. Vous choisissez votre danseuse, la contredanse commence. Vous faites comme si de rien n'était. Au dernier chassé-croisé, je fais hop. Chacun de nous saisit immédiatement une des danseuses et lui fait faire de gré ou de force un tour de valse. Le dernier arrivé à sa place paie un punch aux autres danseurs. Un danseur, mais si la demoiselle ne sait pas valser ? Monsieur Abel, tant pis pour le valseur. Il faut qu'il la fasse tourner tant bien que mal, jusqu'à ce qu'il lui ait fait faire le tour du salon. Rentrons et soyons discrets. « Rappelez-vous bien que, quoi qu'il arrive, qu'on crie, qu'on résiste, il faut avoir fait en valsant un tour de salon pour avoir droit au punch, et que le dernier arrivé paye le punch. » On rentra au salon. Chacun des jeunes gens espérait prendre part au punch. Aucun ne croyait avoir à le payer. Ils firent leurs invitations. Il y avait plus de danseurs que de gentilles danseuses, de sorte que les laides furent engagées aussi bien que les jolies. Jeannot trouva toutes les demoiselles déjà retenues. Il ne restait que la grosse rousse. Jeannot l'engagea. « Qu'importe, se dit-il, aussitôt le signal donné, je prendrai une des demoiselles minces et légères. Je laisserai ma grosse rousse à celui qui aura la force de la faire tourner. » On se mit en place. Zin zin, la musique commence et la contredanse aussi. Les demoiselles qui s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire, ne voyant rien venir, s'étonnent et deviennent sérieuses, et contrarié. Le dernier chassé-croisé allait commencer. « Hop !» fait M. Abel. Les danseurs se précipitent sur les danseuses qu'ils voulaient avoir et que d'autres avaient déjà enlevées. Les demoiselles s'effrayent et résistent. Les danseurs insistent. Les demoiselles cherchent à s'échapper. Les mères veulent intervenir. La mêlée devient générale. Le tumulte est à son comble. La plupart des demoiselles comprennent à demi et se résignent. L'ordre commence à se rétablir. Quelques tours de valse sont terminés, un seul couple continue à se démener, c'est Jeannot et la grosse rousse. Abandonné par Jeannot, personne n'en avait voulu. Et Jeannot s'étant présenté trop tard partout et frémissant à l'idée d'avoir le punch à payer, fut trop heureux de retrouver la grosse rousse qu'il saisit pour la faire tourner. Mais la rousse, furieuse de l'abandon de Jeannot, cherchait à se sauver. La crainte du punch triplant les forces de Jeannot, il parvint à l'enlever et à la faire tourner malgré sa résistance, malgré les coups de poing qu'elle lui assénait avec la vigueur d'un colosse pesant 200 livres. L'infortunée Jeannot, plus petit qu'elle, les recevait sur la tête et n'en continuait pas moins à tourner, accrochée aux plis de la robe de la grosse rousse, qui, de son côté, criait et vociférait 1000 injures. Hélas, le pauvre Jeannot eut beau supporter avec un mâle courage cette grêle de coups, eut beau s'épuiser en efforts pour accomplir son tour de valse, la danseuse l'obligea à lâcher prise et le laissa seul, immobile près d'un groupe d'hommes au milieu desquels Mademoiselle Clorinde chercha secours et protection. Pendant cette scène, Jean, au milieu de ses rires, dit à Monsieur Abel « Pauvre Jeannot, il va avoir le punch à payer. Quel dommage que le monsieur peintre ne soit pas ici !» Monsieur Abel se trouva tout près de Jeannot au moment où il fut obligé de lâcher sa danseuse. Il mit une pièce de 20 francs dans la main de Jeannot, lui dit tout bas « pour payer le punch » et disparut. Son nom commençait à circuler et à exciter l'indignation des maires. À mesure que le calme se rétablissait, il voyait des regards irrités se porter sur lui. Il voulut prévenir l'orage et sortit. Avant de passer le seuil de la porte, au bas de l'escalier, il resta un instant à réfléchir sur la soirée. Pendant qu'il récapitulait les événements auxquels il avait pris part, il entendit la voix de Jean et de Jeannot. « Jeannot, je suis obligé de payer le punch. C'est mon guignon qui me poursuit. Monsieur Abel imagine quelque chose d'absurde. Tout le monde s'en tire heureusement, tous ils rient, ils sont contents. Moi seul, j'ai le malheur de tomber sur une grosse fille, pesant plus de 200 livres, qui m'assomme de coups de poing et qui me fait payer ce maudit punch. » Jean, ne paye pas tout, pauvre Jeannot, je t'en payerai la moitié. Jeannot, je veux bien. Combien cela coûtera-t-il? Jean, 10 francs à peu près, pour tant de monde. Jeannot, comment faire pour l'avoir? Jean, veux-tu que je coure au café, chez nous, pour le demander? Jeannot, oui, je veux bien, et dis qu'on me fasse payer le moins cher possible. Je suis pauvre, moi. Jean, sois tranquille, je ferai pour le mieux. Jean sortit en courant et ne tarda pas à rentrer avec un énorme bol de punch fumant et bouillant. Aucun des deux ne s'aperçut que Monsieur Abel était près d'eux, caché par l'obscurité. Jeannot, eh bien, Jean, combien coûte le punch? Jean, il y en a pour 8 francs au lieu de 12, parce que c'est pour nous. Jeannot, ainsi je te dois 4 francs, puisque tu en payes la moitié. Jean, oui, et je te donnerai les 4 francs qui restent, mon pauvre Jeannot. Jeannot fouilla dans son gousset, en retira son argent, compta et remit 4 francs à Jean, oubliant de le remercier de sa générosité. Monsieur Abel, indigné et voulant punir Jeannot de sa tromperie et de son avidité, avança la main, la passa dans la poche de l'habit de Jeannot sans qu'il le sentît, occupé qu'il était par le punch, et en retira la pièce d'or qu'il avait vu remettre dans cette poche. Puis, voyant Jeannot et Jean remonter avec leur punch, il sortit en disant « Je n'ai plus rien à faire ici, j'ai vu la petite aimée. Je lui ai fait de Simon un éloge qu'elle n'oubliera pas. J'ai recommencé avec la mère. J'ai glissé au père que Simon avait déjà 3000 francs de placé. Ils le sont, ajouta-t-il en souriant, et en son nom. Cette petite est gentille. Elle paraît bonne, douce, bien élevée. Il faut qu'elle soit Madame Simon Dutec. Jeannot est un fripon, un gueux, un gredin. Faire payer 4 francs à ce pauvre Jean quand je lui en avais donné 20, coquin. » En disant tout haut ce mot qui fit retourner quelques passants, Monsieur Abel hâta le pas et ne tarda pas à arriver à son hôtel Meurice. Chapitre 15. Friponnerie de Jeannot. Tous les matins, Monsieur Abel quittait l'hôtel, faisait une promenade à son atelier tout près de là, déjeunait au café Métis, retournait à son atelier, y restait jusqu'à la chute du jour. Il recevait beaucoup d'amis, dînait en ville et allait à un cercle ou dans le monde. Jamais il ne rentrait plus tard que minuit. Il travaillait à 4 tableaux de chevalet qui devaient figurer à l'exposition. L'un devait être au livret sous le titre de « Une soirée d'épicier », l'autre « La leçon de danse », le troisième « Les habits neufs », le quatrième « Une contredanse ». Ses amis admiraient beaucoup ces quatre petits tableaux. Aucun n'était fini, mais tous étaient en train et assez avancés. Dans chacun de ces tableaux, on voyait les deux mêmes figures principales. Un jeune homme, à belle figure, yeux noirs, physionomie intelligente et gaie, un autre plus jeune, mais portant une ressemblance si frappante avec le premier qu'on ne pouvait douter qu'ils ne furent frères. Dans les habits neufs, le plus jeune était admirablement beau d'expression. Son regard exprimait le bonheur, la tendresse, la reconnaissance. « Sais-tu, lui dit un jour celui qui avait pris le nom de Caïn à la soirée de M. Pontoise, sais-tu que cette seule figure ferait la réputation d'un peintre ? Ah belle, elle est belle, en effet, elle a surtout le mérite de la ressemblance. Caïn, celui qui aura ces quatre tableaux aura une des plus belles et des plus charmantes choses qui aura été faite en peinture. Ah belle, personne ne les aura jamais, c'est pour moi que je travaille. Caïn, tu es fou ! Tu vendrais ces quatre tableaux 40 ou 50 000 francs. Abel, on m'en offrirait 400 000 francs que je ne les donnerais pas. Ils me rappellent de charmants moments de ma vie. Tu connais l'histoire de ces tableaux, et tu sais le bonheur que m'a donné cette suite de bonnes actions que m'a inspiré mon bon petit Jean. Excellent enfant, quel cœur reconnaissant, quel beau et noble regard. Il est parfaitement rendu dans mon tableau. C'est ce qui en fera la beauté et en fera le succès. Caïn. 40 000 francs ne sont pas à dédaigner. Abel, que me font 40 000 francs ajoutés à tout ce que j'ai déjà gagné et à ce que je puis gagner encore, moi qui vis comme un artiste et qui ai à peine 28 ans. Caïn, tu as raison, mais c'est dommage. Quand Jeannot rentra chez lui, il s'empressa de retirer et de compter l'argent qu'il avait mis dans sa poche. Il eut beau compter et chercher, il ne trouva pas la pièce d'or que lui avait donnée l'inconnu. Son désespoir fut violent. Il avait compté sur ses 20 francs pour acheter à Simon les habits qu'il lui avait prêtés et dont il avait besoin. Il pleura, il se tapa la tête de ses poings, mais ce grand désespoir ne lui rendit pas ses 20 francs. Après avoir réfléchi sur ce qu'il devait faire, il résolut d'aller le lendemain raconter l'affaire à Jean pour chercher à l'apitoyer et à se faire rendre les 4 francs de punch qu'il avait payés. Cet espoir le calma et il s'endormit paisiblement. Le lendemain, de bonne heure, Jeannot profita d'une course que son maître lui fit faire pour entrer au café Métis et pour parler à Jean. Simon était avec son frère, ce qui contraria Jeannot. Il craignait que Simon ne se laissât pas prendre, comme Jean, à ses pleurnicheries et à ses supplications. Après avoir vainement attendu quelques minutes que Simon le laissât seul avec Jean, il se décida à parler. « Je suis malheureux, mon bon Jean, commença-t-il. J'ai fait hier une bien grande perte. Jean, une perte ? Toi ? Qu'as-tu donc perdu ? Jeannot, je voulais acheter à Simon les habits qu'il m'a prêtés hier soir, et j'avais mis dans ma poche une pièce de 20 francs pour les payer, et lorsqu'en rentrant, j'ai voulu la retirer, elle n'y était plus. Simon fit un geste, comme pour se lever de dessus sa chaise, mais il se rassit et ne dit rien. C'était M. Abel qui venait d'entrer et qui lui faisait signe de se rasseoir et de laisser parler Jean et Jeannot. Il lui tournait le dos et ne pouvait pas le voir. Jean. 20 francs ? Tu as perdu 20 francs ? Pauvre Jeannot, je te plains de tout mon cœur. » Ce n'était pas ce que voulait Jeannot. Il espérait mieux que cela du bon cœur de Jean. Il continua. « Jeannot, et encore, si je n'avais pas été obligé de payer ce punch maudit, j'aurais pu vous donner ce mois-ci la moitié du prix des habits et achever de les payer le mois qui vient. Je suis bien malheureux, Jean. » Jean, mon pauvre Jeannot, je suis bien triste pour toi. Mais ne t'afflige pas tant, tu sais que Simon est très bon. Je suis sûr qu'il te prêtera ses habits chaque fois que tu en auras besoin. Jeannot, mais ce punch que j'ai dû payer, tu sais que c'est 8 francs. Jean, comment 8 francs? J'en ai payé la moitié, ce n'est que 4 francs. Jeannot, embarrassé, c'est vrai, je n'y pensais plus. 4 francs, qui sont peu pour toi, sont beaucoup pour moi. Je gagne si peu. Jean, écoute, pauvre Jeannot. Si tu as réellement besoin d'argent, Simon me permettra bien de te donner encore ces 4 francs. Jean, je te le défends, dit M. Abel d'un ton décidé. Son apparition fit sauter Jeannot. Il avait peur de M. Abel et il n'aimait pas à le rencontrer. Je ne veux pas que tu donnes un sou à ce mauvais garnement, continua M. Abel avec une sévérité que Jean ne lui avait jamais vue. Il te trompe, il ment, il n'a rien perdu, et s'il n'a plus d'argent, tant mieux, il l'emploie trop mal. Jeannot avait eu le temps de reprendre courage. Il essaya de tenir tête à M. Abel. Jeannot. Pourquoi me dites-vous des injures, monsieur? Je ne vous ai rien fait, et vous m'accusez sans savoir si ce que je dis est vrai ou non. M. Abel. Je dis que tu mens parce que je sais que tu mens. Je t'empêche de tromper Jean, parce que je sais que tu l'as déjà trompé. Jeannot. Non, monsieur, je ne l'ai pas trompé. M. Abel. Silence, menteur. Hier soir, tu as extorqué 4 francs à Jean pour payer la moitié du punch, et tu venais de recevoir 20 francs pour le payer. Jeannot. Moi, 20 francs? Jamais, monsieur. Vous voulez tromper Simon et Jean pour les empêcher de me venir en aide? Qui aurait pu me donner 20 francs? Je ne connaissais personne à ce bal. M. Abel. Mais quelqu'un te connaissait. Ce quelqu'un a eu pitié de toi et n'a pas voulu que tu souffrisses de la farce inventée par moi. Ce quelqu'un t'a glissé 20 francs dans la main pour payer ton punch et faire passer ton chagrin. Jeannot. Non, monsieur, personne n'a eu pitié de moi et personne ne m'a rien donné. D'ailleurs, vous n'étiez pas là dans ce moment et vous n'avez rien pu voir par conséquent. M. Abel. Puisque tu m'obliges à parler, je dis que j'étais si bien près de toi que c'est moi qui ai glissé cette pièce d'or dans ta main en te disant tout bas pour payer le punch. Et si tu n'as plus retrouvé ces 20 francs, c'est que je les avais moi-même retirés de ta poche quand tu as eu l'indignité de faire payer 4 francs à ce pauvre Jean, auquel tu as fait accroire que tu n'avais pas assez d'argent. J'étais dans un coin obscur, au bas de l'escalier, et j'ai tout entendu. M. Abel se tut. Jeannot était consterné. Il tremblait de tous ses membres. Jean le regardait avec surprise et chagrin. Indigné d'une si basse supercherie, il avait peine à y croire. Simon s'efforçait de maîtriser sa colère. Il aimait tendrement son frère. Il ne pouvait supporter que l'on se jouât de sa bonté et de sa générosité. Personne ne parlait. « Monsieur Abel, hors d'ici, vil imposteur, va-t'en, et ne te trouve plus sur mon chemin. » Jeannot hésitait. Monsieur Abel le saisit par l'oreille, le traîna jusqu'à la porte et le mit dehors d'un coup de pied. « Effronté coquin! Misérable !» dit M. Abel en rentrant tout ému et en se mettant à table. Fin de la section 8.